Chapitre 22e. Le colonel pouvait en arrivant entrer directement dans sa chambre ou dans la bibliothèque, les deux pièces communiquant ensemble, mais ayant chacune une porte dans le vestibule. Le bruit des pas étant étouffé par les tapis, il n'entendit rien. Mais tout à coup une serrure grinça dans la chambre, le colonel était rentré. Sans parler, Madame de Lucilière fit un signe à Horace, et celui-ci sortit aussitôt, ouvrant et refermant la porte avec précaution. Madame de Lucilière amena son voile sur son visage, et, s'étant enveloppée dans son manteau, elle attendit debout, les yeux fixés sur la porte de la chambre. Mais les minutes s'écoulèrent, sans que le colonel parût, et même sans qu'on n'entendît aucun bruit. Doucement, et marchant sur la pointe des pieds, elle s'avança vers la porte de la chambre. Un des battants était ouvert, mais une tapisserie barrait le passage et empêchait de voir ce qui se passait dans la chambre. Du bout du doigt, Madame de Lucilière entr'ouvrit cette tapisserie. Assis dans un fauteuil, le colonel se tenait la tête appuyée dans sa main gauche comme un homme qui réfléchit. Il resta longtemps, ainsi, sans faire un mouvement, absorbé dans sa préoccupation, les yeux fixés sur une fleur du tapis. S'il avait relevé la tête, il aurait pu apercevoir la marquise, mais il suivait sa méditation, insensible à tout ce qui l'entourait. Évidemment, cette méditation était douloureuse, et dans le froncement de ses sourcils, on voyait clairement qu'il était arrêté par quelques difficultés ou par une pensée pénible. Pas un mot qui sortit de ses lèvres, pas un mouvement. Ce qu'elle voyait, c'était l'effort d'une attention intellectuelle. Mais cette attention portait-elle sur le présent, sur l'avenir ou sur le passé? C'était ce qu'il était impossible de deviner. Une seule chose certaine, un état moral douloureux. Et cette constatation ne pouvait pas la faire renoncer à son projet. Bien au contraire, cela valait mieux que la joie triomphante d'un amant heureux. Le moment était donc bien choisi. Elle écarta la portière et entra. Le bruit de l'étoffe et le bruissement de la robe de la marquise frappèrent le colonel, qui releva lentement la tête et regarda machinalement du côté d'où venaient ces bruits. À la vue de cette femme voilée qui s'avançait vers lui, il tressaillit. « Qui est là ? » dit-il. Elle ne répondit pas, mais d'un geste brusque, elle releva son voile. En même temps, elle jeta loin d'elle le manteau qui l'enveloppait. Dans tous ses mouvements, il y avait quelque chose de théâtral, et son entrée ressemblait, jusqu'à un certain point, à celle d'un premier rôle. Mais c'est là un travers de bien des gens, même parmi les plus fins, de ne pouvoir se débarrasser des traditions dramatiques. Ils ont si souvent vu jouer la comédie que dans les choses de la vie les plus sérieuses, ils deviennent à leur insu des comédiens. Le voile relevé d'une main, le manteau jeté d'une autre, avait une couleur d'opéra comique qui amusait la marquise. « Henriette ! » s'écria-t-il en se levant de son fauteuil. « Non, pas Henriette, mais la marquise de Lucilière. » « Et que voulez-vous de moi, madame ? » dit-il en se remettant. « Vous parlez. » « Je croyais qu'il ne devait plus y avoir rien de commun entre nous. » Elle n'avait pas fait un mouvement depuis qu'elle avait jeté son manteau. Elle s'avança alors de quelques pas vers lui avec sa démarche ondoyante, la taille prise dans sa robe qui la modelait, la tête haute, les yeux brillants, tel enfin qu'il l'avait si souvent vu autrefois. Il détourna la tête. Elle s'arrêta et attendit. Bientôt il releva les yeux et pendant quelques secondes leurs regards se croisèrent. Elle fit de nouveau deux pas en avant. « Ah, Édouard !» s'écria-t-elle d'une voix tremblante. Puis elle se tut et baissa les yeux. Mais ce n'est pas seulement avec les yeux ou avec les lèvres qu'une femme sait s'exprimer. Lorsqu'elle le veut, tout parle en elle. Sa physionomie, qui traduit les émotions de son âme, ses mains, qui se joignent, ses épaules, qui s'avancent, sa taille, qui s'incline ou se redresse. « N'avez-vous pas reçu l'envoi que je vous ai fait avant mon départ ?» dit-il. « Je l'ai reçu. » « Et vous n'avez pas compris pourquoi je quittais Paris ? Longtemps je suis resté sans comprendre, mais enfin ma raison a pu admettre la possibilité de l'erreur dont vous étiez victime. Une erreur ?» Elle inclina la tête par un geste qui en disait plus que toutes les paroles et qui signifiait clairement que cette erreur était si grande qu'on ne pouvait trouver de mots pour la qualifier. « Votre buvard ?»« Oui, c'est ce buvard. Mais non mon buvard, comme vous dites, qui m'a fait comprendre comment vous aviez pu être trompé. » Il la regarda en face, longuement, profondément. Elle ne détourna pas les yeux, mais, au contraire, s'avançant encore et se penchant vers lui. « Je pourrais vous montrer, vous prouver, combien grossière a été votre erreur. Mais ce n'est pas pour cela que je suis venu. Et comme mes moments sont comptés, je n'ai pas de temps à perdre dans une démonstration maintenant superflue. C'est de vous que je veux vous entretenir. C'est pour vous que je suis ici, pour vous seul. Non pour moi, pour votre bonheur, et aussi pour le bonheur des autres. » Disant cela, elle attira une chaise et s'assit en face de lui. Puis elle l'attendit en l'examinant. Il était dans un trouble extrême, oppressé, ne respirant plus. Évidemment, une lutte se livrait en lui, et il était facile de deviner ce qu'était cette lutte. L'écouterait-il ou ne l'écouterait-il pas? Elle le connaissait trop bien pour ne pas suivre sur sa physionomie convulsée les sentiments divers par lesquels il passait, voulant et ne voulant plus, mais voulant encore. Il était certain qu'il valait mieux le laisser user son énergie dans ses mouvements contradictoires que d'essayer de pousser son esprit dans la voie qu'elle désirait lui voir prendre, et c'était pour cela qu'elle attendait sans parler. Quand elle jugea qu'il pouvait l'écouter sans révolte, elle reprit la parole. « C'est ce soir, à l'opéra, que j'ai appris votre retour et votre mariage. » Elle prononça ce mot après avoir hésité un moment et d'une voix basse. « Il est vrai, dit-il, je me marie. » Il redressa la tête et la regarda d'un air de défi. « Aussitôt j'ai voulu vous voir et suis venu ici. Et pourquoi ? Oh, ne pensez pas que je me permets de blâmer votre résolution. Vous vous mariez. Je trouve cela très juste et très légitime. Nous nous sommes aimés. Vous ne m'aimez plus. Vous vous mariez. Il n'y a là rien que de très simple. Alors permettez-moi de vous dire que je ne comprends pas le but d'une visite qui doit vous être pénible et qui pour moi est horriblement douloureuse. Tout à l'heure vous saurez ce qui m'a inspiré cette démarche, qui ne peut pas être aussi cruelle pour vous qu'elle l'est pour moi. Car enfin, je rentre dans une maison d'où j'ai été chassé et je parais devant un homme qui m'infligeait l'injure la plus atroce qui puisse atteindre une femme. Je ne me suis point cependant laissé arrêter par le souvenir de cette injure et je suis venu. Que vous vous mariez, je vous le répète, c'est bien. Je ne serais pas sincère si je vous disais qu'en apprenant cette nouvelle de la bouche de gens qui me la jetaient pour m'en accabler, je n'ai pas souffert. Ma surprise a été profonde, mon saisissement a été terrible. J'ai éprouvé un moment de défaillance et je crois que j'ai perdu un peu la tête. Mais cela est sans importance. Il ne doit pas être question de moi. Et si je vous parle de ce saisissement et de ce trouble, c'est pour que vous voyez comment j'étais entraîné dans cette démarche. Si, après m'avoir appris votre mariage, on m'avait dit que vous preniez pour femme votre jeune cousine, j'aurais continué de penser qu'il n'y avait dans ce mariage rien que de naturel. En effet, cette jeune fille est charmante, elle est douée de toutes les qualités qui peuvent rendre un homme tel que vous pleinement heureux, et de plus, elle vous aime. Je vous prie de ne pas... Mais Madame de Lucilière ne se laissa pas interrompre. Je ne parle pas à la légère, et ce que je dis, je le sais. J'ai vu cette jeune fille, je l'ai entretenue, je l'ai fait parler, je l'ai observée près de vous. J'ai vu les regards qu'elle attachait sur vous. J'ai entendu sa voix lorsqu'elle vous parlait. J'ai fait exprès l'expérience de la jalousie que je pouvais lui inspirer. Et je vous répète, je vous affirme qu'elle vous aime. Soyez certain que lorsqu'une femme aime un homme d'un amour tel que celui que j'ai éprouvé pour vous, elle ne se trompe pas sur la nature des sentiments des autres femmes qui aiment sincèrement cet homme ou qui veulent s'en faire aimer. On sent une rivale et l'on ne se trompe pas. Thérèse était ma rivale. Elle vous aimait, elle vous aime, et telle que je la connais, elle vous aimera toujours. J'ai donc cru que vous l'épousiez et que vous réalisiez ainsi le vœu de votre père mourant. Mais je me trompais. Ce n'est point la jeune fille qui vous aime, que vous prenez pour femme, ce n'est point Thérèse Chamberlain, la douce, l'honnête, la pure, la charmante petite Thérèse, qui offrirait sa vie pour vous donner une journée de bonheur. C'est Carmelita. C'est la nièce du prince Mazzazzoli. Ce nom, quand je l'ai appris, m'a dit ce que je devais faire. Je dois vous avertir que ce mariage est arrêté et que rien, absolument rien, ne changera ma résolution. Je ne suis jamais revenu sur ma parole donnée. Je n'ai jamais eu la prétention de changer votre résolution. Je veux l'éclairer, voilà tout. Je veux accomplir ce que je crois un devoir, et je l'accomplirai. Il se leva. En même temps, elle se leva aussi et se plaça devant lui. Puis s'approchant au point qu'il sentit son souffle, « Emploierez-vous la violence pour me forcer à quitter cette maison ? Vous me connaissez, et vous savez si l'on peut me faire abandonner une résolution quand je l'ai arrêtée. Moi aussi, je veux ce que je veux. Je veux vous parler, et je vous parlerai ici ou ailleurs, peu importe. Aussi, ce mariage ne se fera-t-il pas avant que vous ayez entendu ce que j'ai à vous dire ?» Durant quelques secondes, ils se regardèrent les yeux dans les yeux. Puis il se rassit, ayant compris que quoi qu'il voulût tenter, il n'échapperait pas à cet entretien. Après tout, le mieux était de le subir et d'en finir. Elle reprit. « 20 fois, 100 fois, je vous ai dit que le prince Mazzazzoli voulait vous faire épouser sa nièce et qu'il ne reculerait devant rien pour obtenir ce résultat. J'avoue cependant que je ne le croyais pas capable de recourir aux moyens qu'il a employés. » Le colonel ne broncha pas. Il s'était appuyé la tête sur sa main et il restait dans l'attitude d'un homme qui écoute par convenance ce qu'on lui dit, mais qui ne l'entend pas. « J'aurais voulu, » continua Madame de Lucilière, ne pas revenir sur ces feuilles de buvard qui ont amené notre rupture. Cependant, je suis obligé de le faire. Je vous en prie. Soyez assuré que mon but n'est pas de me disculper. Au moment où ces feuilles de papier sont venues entre vos mains, j'aurais pu vouloir, si vous me les aviez communiquées, vous prouver que je n'avais pas écrit ces lettres. Et cette preuve, je vous l'aurais donnée pour assurer notre amour. Mais maintenant que cet amour est mort, qu'importe que je fasse cette preuve, au moins qu'importe pour moi. Et cherché à la faire jusqu'à ce jour. Vous ai-je écrit en Suisse? Ai-je été vous trouver pour vous montrer que vous étiez victime d'une infâme machination? Non, n'est-ce pas? Vous avez pu me soupçonner, vous avez pu admettre que j'avais écrit ces lettres, vous avez cru vos yeux, au lieu de croire votre cœur. Vous ne m'aimiez plus, je n'avais qu'à m'enfermer dans le silence ce que j'ai fait. Mais à cette heure, il ne s'agit plus de moi, il s'agit de vous, et je parle. Le bras du colonel était appuyé sur une table portant une papeterie et un encrier. Vivement, la marquise prit une feuille de papier et, ayant trempé la plume dans l'encrier, elle traça quelques lignes. Puis elle l'étendit au colonel. « Lisez !» dit-elle, il lut. « Dites-vous bien que je vous aime, Henriette. À vendredi, votre vendredi, Henriette. Je ne veux pas croire que vous douteriez un moment de la tendresse, faut-il dire, de l'amour de votre Henriette. Vous rappelez-vous avoir déjà lu ces lignes ? » demanda Madame de Lucilière. « Oui, n'est-ce pas ? Et je comprends, hélas, que vous ne les ayez pas oubliées, ayant eu la faiblesse de croire qu'elles étaient de moi. Ces lignes étaient celles qui se lisaient sur le buvard que vous m'avez envoyé. Voulez-vous vous rappeler maintenant l'écriture de ces lignes imprimées sur ce buvard et les comparer à celles que je viens de tracer sur ce papier ? Comparez, regardez ! » Mais au lieu de regarder le papier qu'elle lui plaçait devant les yeux, il la regarda elle-même. « Où je vais en arriver, n'est-ce pas ? » dit-elle. « C'est là, ce que vos yeux demandent, à ceci. Nous avons été l'un et l'autre victimes de gens qui voulaient rompre notre liaison. Et vous, vous avez été leur dupe. Comment avez-vous pu vous laisser tromper de cette façon grossière ? Comment avez-vous pu croire vos yeux au lieu de croire votre amour ? C'est ce que je me demande. Et la seule réponse, hélas, qui se présente, c'est que cet amour était bien peu puissant. » Puisqu'il n'a pas élevé la voix dans votre cœur pour crier « Ces feuilles mentent !» Non, Henriette, celle que j'aime, celle que je connais, celle qui m'a donné tant de témoignages de sa passion, non, Henriette n'est pas capable d'avoir écrit ces lettres. Étant à votre place, et recevant moi-même ces lettres, comme aurait dit écrites par vous, c'est assurément le cri qui me serait échappé. Jamais je n'aurais admis que l'homme que j'aimais avait pu écrire ces lettres. Tout en moi aurait protesté contre ces accusations. Mon amour, ma foi en lui, le souvenir de ses caresses. J'aurais cherché qui avait intérêt à lancer ses accusations. J'aurais voulu voir sur quoi elle s'appuyait. J'aurais aimé cette écriture. J'aurais interrogé la vraisemblance et les probabilités. Quelle idée vous faites-vous donc, je ne dis pas de moi, mais des femmes en général, pour admettre comme possible et comme vraisemblable une pareille accusation? Mais on l'eût portée contre une inconnue, cette accusation monstrueuse, que vous auriez protesté, j'en suis certaine, et parce qu'elle s'adressait à moi, vous l'avez cru. Avais-je tort de dire tout à l'heure que cet amour était bien peu puissant ? Ah, Édouard ! Et elle cacha son visage entre ses mains, étouffé par l'émotion, mais entre ses doigts, qui n'étaient pas étroitement serrés les uns contre les autres, elle regarda d'un rapide coup d'œil le visage du colonel, il était bouleversé. De même qu'elle l'avait laissé tout d'abord à son irrésolution, elle le laissa maintenant à son trouble. Puis après un moment de silence assez long, elle reprit. « Je vous demande pardon d'avoir cédé à cet entraînement. En venant ici, je ne voulais pas vous parler de moi, et je ne l'ai fait que pour appeler votre attention sur cette manœuvre et vous montrer d'où elle venait et où elle tendait. La passion, les souvenirs, la douleur, l'indignation ont été plus forts que ma volonté. J'ai parlé de moi, de vous, de nous, de notre amour. Oubliez ce que j'ai dit, et revenons à l'auteur de cette accusation. Quel est-il ? Le prince Mazzazzoli. Il leva vivement la main, mais plus vivement encore elle arrêta son interruption. « Vous avez admis les accusations les plus infâmes contre moi, » s'écria-t-elle. « Vous écouterez celles que je porte moi-même maintenant. Ce n'est pas à la lettre anonyme que j'ai recours, ce n'est pas à l'insinuation. Je viens à vous, franchement, à visage découvert, et je vous dis qui j'accuse. Si vous trouvez des raisons valables pour repousser mon accusation, vous me les donnerez et je les écouterai. Que n'avez-vous fait ainsi lorsqu'il s'agissait de moi ? Que n'êtes-vous venu, ce buvard à la main ? Je vous aurais répondu, vous m'auriez écouté, et aujourd'hui. Mais ne cherchons pas à voir ce qui serait résulté de cette explication, puisque l'irréparable, hélas, est accompli. Je reviens encore à l'auteur de cette accusation, et pour ne plus le quitter. Je vous affirme, je vous jure, vous entendez bien, je vous jure, que la main qui a écrit la lettre anonyme accompagnant les feuilles du buvard est la main du prince Mazzazzoli. Vous n'avez pas plus cherché à savoir, n'est-ce pas ? De qui était l'écriture de cette lettre, que vous n'avez cherché à savoir de qui était l'écriture qui avait laissé ses empreintes sur le buvard? Moi, j'ai fait cette recherche et j'ai trouvé la main du Mazzazzoli. Cela encore une fois, je vous le jure, regardez-moi et voyez si je vous trompe. » Elle était devant lui, le bras étendu, il baissa les yeux, elle reprit. « Que vous n'ayez pas, au moment où vous receviez cette lettre, porté vos soupçons sur le prince, je le comprends. » Jusqu'à un certain point, il y avait tant d'infamie dans cette lâche dénonciation que votre cœur s'est refusé à croire qu'un homme que vous connaissiez et dont vous serriez la main pouvait en être coupable. Malgré les charges qui, dans votre esprit, devaient s'élever contre le prince, vous avez pu, je le reconnais, conserver quelques faibles doutes. Mais depuis, est-ce que ces doutes n'ont pas disparu sous la clarté de l'évidence? Vous partez, vous vous cachez, personne ne sait où vous êtes. Le prince le découvre, il arrive au Glion, il s'installe près de vous, il installe sa nièce dans la chambre voisine de la vôtre, porte à porte. Quand vous voulez partir, il s'arrange pour rendre votre départ impossible. Il vous force à manger à la même table que lui, près de Carmelita. Puis arrivent les promenades dans la montagne, les longs tête-à-tête, les confidences, les épanchements de cette belle fille. Que s'est-il dit dans ces tête-à-tête ? Quelle leçon Carmelita vous a-t-elle répétée ? Bien entendu, je l'ignore, et n'ai point la prétention de chercher à l'apprendre. Que m'importe ? Il me suffit que vous vous rappeliez, vous, ce qui s'est dit alors que vous trouviez vous-même l'influence et les leçons du prince dans les paroles comme dans les actions de son élève. Dans cette journée d'orage, que s'est-il passé encore ? On ne me l'a pas dit ? Vous devez bien le penser, mais je le sais comme si j'en avais été témoin. Carmelita a eu peur, n'est-ce pas ? Et le lendemain, vous êtes parti, ayant peur à votre tour. Puis, comme vous êtes un honnête homme, vous êtes revenu et vous avez voulu prendre Carmelita pour votre femme. Maintenant, pouvez-vous me dire que ce n'est pas le prince Mazzazzoli qui est l'auteur de notre séparation et ne voyez-vous pas, depuis ce jour jusqu'à ce moment, le rôle qu'il a joué ? C'était ce rôle que je voulais vous faire toucher du doigt. Maintenant, j'ai fini et je vous prie de me conduire à la petite porte par laquelle je sortais autrefois. Elle s'était levée. Il hésita un moment. Puis à son tour, il se leva, et prenant une lampe, il la précéda dans le petit escalier qui descendait à la galerie aboutissant à la rue de Valois. Ils marchèrent, sans échanger un mot. Arrivé à la porte, le colonel tira le verrou et l'ouvrit. « Où est Tom ? » dit-il. « Tom ne m'attend pas. Je vais vous conduire alors. » Pendant que ces quelques mots s'échangeaient, elle était sortie sur le trottoir. « Non, » dit-elle, et poussant elle-même la porte, elle la lui ferma sur le nez. Vivement, il la rouvrit, mais déjà Madame de Lucilière s'était éloignée en courant. À son tour, il ferma la porte et de loin, il suivit la marquise qui, au lieu de se diriger vers son hôtel, descendit vers le faubourg Saint-Honoré. Une voiture passa, la marquise l'arrêta et monta dedans. Le colonel, qui s'était approché, entendit qu'elle donnait au cocher l'adresse de la rue de Courcelles.